notre radio. Radio Arc-en-Ciel. De se retrouver, donc il est 13h passé de 30 minutes. Voici donc l'émission jusqu'à 17h avec le souvenir des chansons. Voilà donc, juste à l'instant, on a pu entendre le groupe Fox the Fox. aussi, j'espère que vous avez aimé tout simplement de passer une excellente matinée avec l'émission de Lorenzo entre 9h jusqu'à midi et que bien sûr la semaine prochaine qu'on va le retrouver. Voilà donc, il est juste de passer bon après-midi à ma compagnie. Voici donc les chansons et voici France Gall suivi de d'autres chansons différentes. Et puis juste après, on écoutera France Hardy. Je sens que je tombe.

une salle perdue de la 14e avenue. La voix la ballerine, la petite rouquine du vieux Brooklyn. La voix la ballerine, il danse toutes les nuits. C'est son rêve de gamine, de la petite rouquine du vieux Brooklyn. C'est son rêve de gamine qui pour elle s'accomplit. Au bout de 2 ans, elle a fait gaiement 12 métiers, manucure, bonne d'enfant, dompteuse d'animaux, clown, reine du lasso, cover girl, mannequin, comme l'eau. Dans le Life Magazine, la petite rouquine du Brooklyn, dans le Life Magazine, elle parut en photo. Voilà, dit Sam Goldwyn, la petite rouquine de vieux Brooklyn. Voilà, dit Sam Goldwyn, la starlette qu'il me faut. Elle tourna dans Coquine, la petite rouquine du vieux Brooklyn, en rôle de ballerine. Son rêve le plus beau. gray sky, hello blue. There's nothing can hold me when I hold you. It feels so right, you can't be wrong. Rocking and rolling all week long. These days are right. Around the town, show everybody what I found. Rock and roll with all my friends, hoping the music never ends. Sunday, Monday, happy days. Tuesday, Wednesday, happy days. Thursday, Friday. Goodbye rain. She's wearing my school ray on the chain. Shows my city I'm a man. I'm gonna love her all I can. These days are ours. Share them with me. These days are ours. Happy and free. Goodbye gray sky. Hello blue. Smile and hold me when I hold you. So right, it can't be wrong. Rocking and rolling all day long. Voici donc le Tyrol. Tut. Zwei Bibi, die haben Lust am Leben. Zwei Bibi, Un autre Tyrol, et puis juste après, on écoutera Cabrel et puis Céline Dion.

voici donc Alpha Bondis et puis juste après Laura Fabien. Avec son titre s'appelle C'est l'heure. Thank you. Tahiti, puis celui du groupe collectif Métissé. Yeah. danse à la fibre, caliente como y querida la vida, es una fiesta loca. Danse à la fibre, caliente como tu remo le beba, es una fiesta loca. Tu me dis que je t'aime déjà, la vie du bon côté. Tu me dis que. Follow me. Arc-en-ciel. Voici donc Jean-Pierre Madère et puis juste après le groupe Gold. Un pied devant l'autre. Les mains tendues vers le ciel, un peu plus près des étoiles.

Et puis juste après Franck Michael.

country, puis juste après, on écoutera tout simplement un autre morceau de Laurent Voulzy. Amélie, tiens bien debout. Amélie, tiens belle. Amélie, prochain voisin, c'est comme la loi, les yeux fermés, elle raconte comme c'était fort. Et ce qui est plus fort encore, c'est qu'Amélie donne tout l'amour qu'elle a perdu. Amélie bailant. Voici donc totalement le série qui s'appelle La Chanfort, et puis juste après Eros Ramazzotti. Elle a quatre livres attachés par un ruban. S'assoit sans rien dire au fond du compartiment. Nous allons rester plusieurs kilomètres, 20 minutes face à face sur une banquette. Avec mon cœur. Je pense à elle, elle pense à moi. Et au coup de sifflet, le prince s'en va. Je pense à elle, elle pense à moi. Tiens, voilà le soleil, je dis tout bas. J'aurais demain le courage que pour lui parler. Car elle attend que ce soit moi qui le premier. Un bonjour lui. Canzone a far piovere amore, si potrebbe cantarla un milione di volte, basta.

déployer. Lentement, je le vis tournoyer. Près de moi, dans un bruissement d'air, comme un pompier du ciel, l'oiseau va se poser. Les yeux couleur rubis et des plumes aux couleurs de la vie. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son air, il a touché ma joue. Dans ma main, il a laissé son cou. Que je l'ai reconnu, surgissant du passé, il m'était revenu. Dis l'oiseau, au dire même moi, retournant au pays d'autrefois, comme avant. Rêve d'enfant, recueillir en tremblant des étoiles, comme avant, dans mes rêves d'enfant, comme avant, Moi qui suis né ici, au plein cœur de Paris, moi qui n'ai jamais vu le ciel de Californie, moi qui ai dans le cœur tous les tubes de Johnny, je vais vous dire sans détour tout ce qui ne parle pas d'amour. Moi je m'en balance du disco qui mène toujours la danse, des loulous un peu fous qui donnent dans la violence, des photos mélancoles de mes souvenirs d'enfance, des symboles du rétro, je vais te dire ce que j'en pense. Moi je m'en balance. Regarde-moi, je vis sans amour, le soleil ou la pluie, météo comme Élie, le pétrole, le dollar, politique de boulevard, les galères, les galas, numéro un ou pas, je vais vous dire sans détour, tout ce qui ne parle pas d'amour, moi je m'en balance, les machos, le Concorde, la moto, les partis de Patrick qui font l'Europe unie, le reggae. Et voici maintenant Michel Thor. Yeah.

c'est un, ouais, ouais. J'ai des amis des deux côtés. Après qu'un prêtre décrépit ait prononcé mon oraison, que mes amours ou mes amis me bénissent, j'irai voir ceux qui avant moi ont dû franchir le Rubicon pour leur dire, hey, me revoilà, vieux complice. Satan, quand j'aurai les deux pieds devant, la tête immobile en arrière, comme un cueilleur le plus puissant, ou toi, mon frère, qu'un paradis me soit offert lorsque les dés seront jetés, ou qu'un démon me récupère pour la somme de mes péchés. Au poker des âmes d'année, que j'aille au ciel ou en enfer, je n'ai pas lieu de m'inquiéter. J'ai des amis des deux côtés. J'ai des amis des deux côtés. Arc-en-ciel. Qui t'envahit, viens avec moi, let's go. Oh, oh, love the ladies, let's go. Oh, elle me donne envie de ah, oh, elle me donne envie de ah, oh, c'est mes deux vies. Elle me donne envie de ah, oh, elle me donne envie de ah, oh, c'est non, non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes avec moi. Hola, hola, hola. Non, non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes avec moi. Make me bang bang, vas-y bouge ton body girl, vas-y bouge ton body girl. Oh, oh, shake ton body body, make me bang bang, shake ton body body, make me bang bang. Hey ho, hey ho. Non, non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes avec moi. Hola, hola, hola. Non, non, je ne résiste pas à la chaleur de ton corps contre moi. Je veux que tu chantes avec moi. Voici donc Kenji Dirac. Me sigue noche y día, con mi ventana, mi corazón abierto, mi voz que te llama, amigo mío, apúrate, con los hermanos es más alegre. Cuando los días son duros, con una sonrisa se quebran los muros, mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi fuerza, mi sonrisa, el cielo me lo regaló, me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. Mi fuerza, mi sonrisa, aquí te lo regalo yo. Comparte una sonrisa, mi mundo le das tu sabor, sonríe a la vida. Me muevo con el viento, mi voz que te llama, amigo, apúrate, con tu sonrisa y tu fe. Abre tus ojos oscuros, con una sonrisa se quebran los muros. Mi cariño, acércate, un secreto voy a contarte. Mi sonrisa, el cielo me lo regaló, me sigue noche y día, en la sombra me llega el sol. L'émission touche à sa fin. Voilà donc, on va se retrouver vendredi prochain à partir de 13h30. Et puis on se retrouve aussi dimanche à partir de 13h30 pour l'émission de l'accordéon, tout simplement. Mais on se retrouve aussi demain à partir de 9h pour l'émission tout simplement de Christine. Avec bien sûr les chansons portugaises. Voilà donc, et bien j'essaie de passer tout simplement bonne fin d'après-midi, tout simplement aussi bonne soirée. Et puis donc on se retrouve donc bien demain à partir de 9h. Donc ben, je vous dis bonsoir à tous et à toutes. Una mujer que me quiera, que me trate a su manera, de palabras sinceras, que me dé la vida entera. María got your brava, that beauty bound flava, she wears some Prada, Dolce en Gabbana. Ella no es mala, solo picará en la cama. La mujer latina llama, Dominica de La Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. María, María, yo te quiero cada día más. Yo no sé cómo decírtelo, que yo te quiero cada día más. María, María, que yo no sé cómo explicarte más. Lo que siento es verdadero amor, como pudiera convencerte ya. Yo te adoro, yo te amo, yo te añoro, mira, oye, yo te siento.

Boa tarde, são 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Esta hora no topo da atualidade. Não está em causa qualquer tipo de ameaça. O Serviço de Estrangeiros e Fronteiras desvaloriza o desaparecimento de peregrinos que entraram em Portugal para participar na Jornada Mundial da Juventude. O Banco Central Europeu não gostou do imposto que o governo italiano quer cobrar aos bancos, que continuam a lucrar com a subida das taxas de juro. Em Portugal, o Chega anuncia que já fez chegar uma proposta semelhante à Assembleia da República. Está na estrada a etapa 8 da Volta a Portugal em bicicleta. Neste jornal, conferimos o andamento do pelotão a caminho de Faf. E a previsão para amanhã é de céu cinzento no litoral oeste até ao final da manhã, com mais nuvens em alguns locais da faixa costeira. Há muita nebulosidade prevista para o interior norte da Serra da Estrela até meio da tarde e chuva fraca no litoral a norte do Cabo da Roca também até meio da tarde, moderada no Minho. Está ainda prevista uma pequena subida da temperatura máxima na região sul e no interior centro. Açores com céu cinzento e chuva fraca, Madeira com subida da temperatura máxima, com céu cinzento.